Tu as la foi du charbonnier ? Le foie du charbonnier. J'ai le foie du charbonnier. Oui, bon, si tout le monde est installé, on va commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau local. Donc, vous avez face à vous des anarchistes heureux parce que, après avoir eu un peu peur de perdre tout local, lieu d'archives, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on occupait un local depuis 20 ans, on était locataire. Auprès de Marseille Habitat, ils ont mis fin à notre bail on a pris ça au mois de juin. Il a fallu trouver des solutions très vite. On l'avait trouvé juste avant, ça s'est télescopé. Donc nous avions des économies, on a lancé une souscription qui a très bien marché, on a pu acheter ce local. Donc on est aussi heureux d'organiser notre première causerie dans ce local et d'accueillir François Roux. François Roux qui était déjà venu en 2007. À l'occasion de la parution de son premier ouvrage, je crois. Ça fait deux livres. Oui. Donc, premier ouvrage, c'était sur la Grande Guerre inconnue. Toutes les façons auxquelles... tous les moyens auxquels les poilus ont eu recours pour échapper aux tueries, c'est-à-dire les désertions, les mutilations volontaires... les planques, l'assassinat d'officiers, ça avait été une rencontre passionnante aussi. François Roux écrit aussi dans une revue qui malheureusement s'est arrêtée en 2011 qui s'appelle Gavroche et auquel tu as participé avec plusieurs articles, et des articles souvent sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, notamment les actes de résistance peu connus des résistants allemands. Je pense qu'on va en parler... Pour le sujet du jour, c'est ce livre qui vient de paraître aux éditions Max Milo, Un gros pavé. Auriez-vous crié à Hitler, soumission et résistance au nazisme, l'Allemagne vue d'en bas, 1918-1946. Que vous dire d'autre ? François a une formation de psychologue cognitiviste. Allez-y. Donc peut-être ça peut expliquer pourquoi il s'intéresse à la psychologie des masses et des individus. Et actuellement, il travaille avec les librairies qui sont en grande difficulté, celles qui sont le plus, elles sont toutes en difficulté, mais avec celles qui sont le plus en difficulté. Donc je crois les articles, tu avais écrit aussi un article, des notes de lecture dans Gavroche. Donc la revue Gavroche, c'était une revue... Ça correspond un peu au sujet d'aujourd'hui. C'était une revue qui voyait l'histoire vue d'en bas du peuple. D'ailleurs, l'ancêtre s'appelait Le Peuple Français. Et voilà, et c'était la suite du Peuple Français. Donc cette revue a duré de 2005 à 2011. Et malheureusement, elle reposait un peu sur les épaules d'une seule personne. Et je crois qu'il était un peu, commençait à être très fatigué. Il était obligé d'arrêter. C'est dommage parce qu'il y avait des contributions vraiment intéressantes, dont celle de François, à qui je laisse la parole maintenant. Eh bien, je suis très content d'être avec vous dans ce beau Syrah tout neuf. Ce que je vous propose, c'est je vais commencer par vous présenter, j'essaie de ne pas être trop long, vous présenter mon bouquin, plus la façon dont il est construit que de rentrer dans les contenus et dans les détails, et pour qu'on ait suffisamment de temps pour discuter, je sais pas, éventuellement que je réponde aux questions que vous vous posez. Alors ce livre, déjà, je précise, c'est un livre d'histoire. Je le précise parce qu'il y a pas mal de débats à propos du livre sur Internet, mais c'est des débats qui portent plus sur les prolongements politiques du livre. Mais pour qu'il n'y ait pas tromperie sur la marchandise, je précise bien que c'est essentiellement un livre d'histoire. Au départ de ce bouquin, la question que je me posais, c'est une question, je pense que tout le monde se l'est posée un jour, c'est si un jour je me retrouvais dans une situation... sous une dictature, face à un pouvoir totalitaire, violent, est-ce que je serais capable d'être un résistant ? Comment est-ce que je me comporterais ? Est-ce que j'aurais le courage d'affronter la torture et les camps, etc., etc. Bon, ça, c'est une question, j'allais dire, presque qui remonte à l'enfance. Et après, évidemment, cette question, elle en appelle une autre, à savoir, mais est-ce que cette situation pourrait se reproduire ? Est-ce que si la crise s'aggravait, est-ce qu'on pourrait connaître un fascisme radical et se retrouver face à un fascisme radical ? Et pour essayer de répondre à cette question, je me suis dit, ben, essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé pour l'Allemagne, puisque finalement, que ça soit au niveau géographique ou au niveau historique, c'est la situation la plus proche qu'on ait pu rencontrer d'un grand pays développé, démocratique et tout, qui bascule dans une dictature radicale. Donc, comment ça s'est passé, comment se sont comportés les gens, etc. Alors la première question qu'on peut se poser d'abord, c'est est-ce que c'est légitime de comparer la situation de l'Allemagne de Weimar en 1928, c'est-à-dire avant la grande crise, avec la situation à laquelle on est. Alors évidemment, il y a des différences importantes. Il y a le fait qu'en 1928, l'Allemagne sortait d'une guerre mondiale qu'elle avait perdue 10 ans plus tôt. C'est pas notre cas. Il y a le fait qu'il y avait l'URSS qui était vécue comme une puissance menaçante, qui était proche géographiquement de l'Allemagne. Évidemment, il n'y a plus d'URSS aujourd'hui. Et puis surtout, il y a le fait qu'aujourd'hui, ben, l'expérience de ce fascisme radical, on l'a déjà. On sait qu'est-ce que ça a donné, ce qui n'était pas le cas des gens à l'époque. Ça, c'est pour les différences. Et par contre, on peut retrouver un certain nombre de ressemblances. Donc l'Allemagne en 1928, donc République de Weimar avant le début de la crise, c'est un pays qui a retrouvé le chemin de la prospérité, qui a retrouvé sa place de première puissance industrielle européenne. C'est une constitution démocratique. La constitution de l'Allemagne de Weimar était encore plus démocratique que celle qu'on a aujourd'hui. C'est un gouvernement, ou plutôt des gouvernements qui se succèdent, qui sont en gros de centre-gauche, avec une dominante social-démocrate. C'est un pays de grande culture, de haut niveau d'éducation. Et à cette époque-là, en 1928, le parti de Hitler représente 2,6% des suffrages. C'est-à-dire qu'il est, c'est un parti qui est marginal. Il y a d'autres caractéristiques font penser à la situation d'aujourd'hui, qui étaient moins vraies quand j'ai commencé à écrire mon bouquin en 2005 et qui sont encore plus vraies, si j'allais dire, aujourd'hui. C'est que sous son apparente prospérité, en réalité, l'économie de l'Allemagne de Weimar était complètement minée par l'endettement. Ce qui a fait que dès que la crise l'a touché, ça a été immédiatement une véritable catastrophe. Donc ça, c'est une ressemblance supplémentaire. On avait une augmentation perpétuelle des inégalités qui faisait que les masses avaient complètement perdu confiance dans la classe politique et perdu confiance dans la capacité de la classe politique à faire face à une crise et à y trouver des solutions justes. Ça, on peut dire que c'est probablement quelque chose qu'on peut comparer avec notre situation d'aujourd'hui. Donc en gros, l'Allemagne de Weimar en 1928, c'est un pays capitaliste, prospère, qui se trouve à la veille d'une crise qu'elle n'imagine pas, qui va la frapper tout d'un coup, la déstabiliser. En octobre 1929, on a donc le krach de Wall Street, et après 3 ans de crise aiguë, on va avoir l'arrivée au pouvoir de Hitler. Alors, préciser une chose, c'est que quand on parle de crise entre 1929 et puis 1933, la prise de pouvoir de Hitler, c'est pas une crise comme on dit aujourd'hui. On dit aujourd'hui que nous, on est en crise. Mais à l'époque, c'est 25% de chômeurs. C'est des gens qui sont plus indemnisés, donc qui sont poussés à la famine, qui mendient dans les rues. Il y a des milliers de morts de faim tous les hivers. C'est une crise extrêmement violente. Et au bout de 3 ans de cette crise, la société est complètement exsangue et c'est l'arrivée au pouvoir de Hitler. Alors, arrivée au pouvoir de Hitler qui ne se fait pas, comme on a coutume de le dire, par le vote, parce qu'il n'est pas vrai que Hitler est arrivé au pouvoir avec la majorité des votes, loin de là, et ni non plus de façon démocratique. Alors, si vous voulez, on pourra revenir dessus plus tard. En réalité, c'est la droite allemande qui fait la courte échelle à Hitler pour l'amener au pouvoir, parce que Hitler est affaibli par les dernières élections, celles de novembre 1932. La droite allemande sait que la crise tire à sa fin, et donc elle voit là une occasion inespérée de se débarrasser du mouvement ouvrier en portant Hitler au pouvoir. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous raconte d'habitude. Mais on pourra revenir dessus si vous voulez. Alors, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, dans la période qui va donc de 1918 jusqu'à 1946, j'ai repris l'histoire chronologique de l'Allemagne en m'appuyant principalement, alors en m'appuyant évidemment sur les travaux des historiens et aussi sur les témoignages et les témoignages si possible écrits au jour le jour par des gens ordinaires, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas l'intention d'être publiés, qui écrivaient pour eux-mêmes. Alors pour moi c'est très important ce qu'on appelle donc l'histoire vue d'en bas, c'est-à-dire d'avoir recours aux témoignages, parce que ça permet de comprendre comment les gens ont vécu les événements au moment où ils se produisaient. Nous, tous ces événements de la montée du nazisme, de la prise de pouvoir, de la dictature, ou ensuite de la guerre mondiale, on les voit, on les lit en sachant ce qui s'est passé après. Donc en fait, on les interprète à la lumière des conséquences qu'ont eu les événements que nous, on connaît. Et en réalité, les gens ordinaires, les Allemands ordinaires, au moment où les faits se produisaient, n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Alors, pour en donner juste un exemple, je pourrais en donner plusieurs, mais juste un exemple qui est frappant et qui montre à quel point c'était, je cite dans mon bouquin « Témoignages d'intellectuels juifs qui ont voté nazis en novembre 1932 ». Ils n'étaient pas du tout nazis, évidemment, hein, mais ils ont voté Hitler en pensant d'abord que c'était la seule façon de sortir de la crise, qu'il n'y avait plus d'issue au niveau de ce que proposait la démocratie parlementaire. Et leur idée aussi, c'était de dire, bon, une fois au pouvoir, les nazis vont montrer leur incompétence, et finalement, la baudruche, comme ils disaient, la baudruche va se dégonfler d'elle-même. Bon. Que des intellectuels juifs aient pu faire ce raisonnement, en tout cas, ça montre à quel point ils n'avaient pas du tout idée de ce qui allait pouvoir se passer ensuite, sinon ils ne l'auraient pas fait, bien entendu. Alors donc, dans cette première partie qui est chronologique, j'essaye principalement de répondre à deux questions. Donc la première, c'est est-ce que les Allemands ont voulu Hitler? Alors, à chaque fois que je vais dire « les Allemands », il faut bien entendre que je ne parle pas des Allemands comme un tout, que j'essaye à chaque fois dans le livre de les envisager par catégorie sociale, par tranche d'âge, par opinion politique, par appartenance religieuse, etc. Donc, comme dans leur diversité, si vous voulez. Hein. Donc, je fais ce raccourci « les Allemands » par facilité. Donc, est-ce qu'ils ont voulu le nazisme? Et puis ensuite, une deuxième question, c'est une fois la dictature en place, est-ce que les Allemands, encore une fois, dans leur majorité, est-ce qu'ils y ont adhéré? L'image qu'on en a aujourd'hui, enfin en tout cas qui est véhiculée par les livres scolaires, par les ouvrages de vulgarisation, c'est que le peuple allemand, dans sa majorité, dans son ensemble, on a même tendance à dire, a adhéré au régime national-socialiste. La réalité est beaucoup plus complexe que ça, parce que cette impression qu'on a de cette adhésion, elle nous est donnée notamment par l'image que le régime donnait de lui-même. Dans une dictature, c'est la dictature qui fournit les images qu'elle veut bien montrer. Hein. Et donc on a une perception qui est largement faussée de l'adhésion des Allemands au nazisme. Et quand on regarde dans le détail les témoignages des contemporains, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait un espèce de noyau dur d'activistes nazis que je chiffre à partir de différents recoupements, je chiffre autour de 2 millions. Alors 2 millions, ça fait un nombre considérable de personnes, mais dans un pays de 70 millions d'habitants, c'est quand même une petite minorité. Il y a un cercle un peu plus large qui va jusqu'à, on va dire, à peu près 25% de la population qui soutient activement le régime, en tout cas qui y adhère, c'est notamment tous les gens qui en bénéficient. Alors c'est les militaires, c'est les policiers, c'est les juges, c'est les médecins, c'est tous les bureaucrates du parti nazi, etc. Alors sachant que ces gens-là ne sont pas pour autant des gens qui adhèrent à l'idéologie génocidaire, mais ils trouvent plus de bénéfices dans le régime que d'inconvénients. Alors, c'est, quand je dis à peu près 25%, ça va fluctuer dans le temps. Il y a des moments où c'est moins, il y a des moments où c'est plus. Et puis, à partir de la fin 1941, ça décroît pour s'effondrer complètement à partir de Stalingrad. On pourra revenir dessus. À l'autre extrémité, il y a une minorité qui reste hostile, qu'on peut évaluer à peu près à 20%, ce qui sont essentiellement les anciens adhérents des partis de gauche, hein, du Parti communiste, de la social-démocratie et puis de l'extrême gauche. Là aussi, il va y avoir des fluctuations dans leur nombre, mais grosso modo, c'est les gens qui restent opposés au régime jusqu'à après l'instauration de la dictature, jusqu'aux élections de mars, quand on peut encore voter, malgré qu'on prenne des risques considérables en votant. Bon. Et puis entre les deux, donc il y a donc une majorité de gens qui adhèrent à certains aspects du régime et qui s'opposent sur d'autres. Alors, on pourra revenir dessus, et là c'est pareil, cette masse-là va être fluctuante, et c'est les gens qu'on appelle les suiveurs, qui étaient en réalité la majorité. Donc ça, c'est la première partie du livre, partie chronologique. Hein. J'essaye donc de retracer comment les gens, de toutes ces composantes, toutes ces variétés de gens, ont vécu les événements à chaque fois, au fur et à mesure, qui se déroulaient. Donc c'est une alternance entre les faits tels qu'ils sont établis par les historiens, et puis des témoignages de gens que je cite, qui donnent un éclairage de voilà, telle personne, de telle situation, pensait ceci, voyait cela, etc., etc. Ensuite, je consacre 3 chapitres à une question qui est, à mon avis, assez cruciale pour essayer de comprendre les véritables rapports entre la population dans son ensemble et puis la dictature. C'est est-ce que les Allemands, globalement, étaient informés du génocide ? Est-ce qu'ils étaient au courant du génocide ? Alors, si je dis que j'y consacre 3 chapitres, c'est que c'est une question qui est complexe. Et donc j'ai retourné dans tous les sens pour arriver à une réponse très, très nuancée sur laquelle on pourra revenir avec le plus d'explications possibles à la clé pour que ce que j'ai dit soit véritablement crédible. Une fois donc après cette partie-là, donc j'ai abordé un autre sujet qui est d'essayer de comprendre, est-ce que, une fois la dictature en place, est-ce que c'était possible de résister et comment ? Alors là, j'ai toujours à l'aide des témoignages, donc j'ai plus procédé de façon chronologique, j'ai essayé de prendre toutes les catégories des institutions d'abord, donc l'Église, l'armée, les anciens partis politiques, l'université, essayer de voir comment chaque institution s'était comportée par rapport au régime. Puis ensuite, donc, j'ai pris les groupes sociaux, alors les ouvriers, les paysans, les jeunes, les femmes, les catholiques, tous les groupes sociaux importants d'Allemagne, essayer de voir comment s'étaient comportés les gens. Et puis après, donc, ce qui m'intéressait le plus, c'était ce que j'appelle la résistance populaire, qui est un terme qui n'est récusé par les historiens, et en fait qui concernait tout un tas de gens qui étaient, soit qui étaient déjà hostiles au nazisme avant qu'ils s'installent, soit qui étaient devenus hostiles au nazisme en découvrant donc la réalité du régime, qui pouvaient être soit des anciens militants des partis de gauche qui avaient été coupés de leurs organisations, soit des gens qui au départ n'étaient pas politisés, qui étaient venus à la résistance au nazisme. Et là, on se rend compte qu'il y a eu une résistance considérable, on peut dire par le nombre de personnes impliquées, mais en même temps, extrêmement désarmées, extrêmement démunies, puisque c'était des gens qui avaient des moyens dérisoires contre une dictature qui était surarmée, et à plus forte raison une fois que l'état de guerre est instauré. On a affaire à deux totalitarismes surajoutés, à savoir la dictature plus l'état de guerre. Alors j'essayais d'envisager un peu toutes les formes et de retrouver toutes les formes, que, un peu comme dans le livre sur les poilus, toutes les formes qu'a pu prendre cette résistance individuelle, donc les stratégies d'évitement, l'émigration, tous les faits de dissidence, les réseaux d'aide aux persécutés, et y compris donc des actes qui sont pour moi des actes de résistance, mais qui ne figurent jamais dans les livres d'histoire qui sont consacrés à la résistance. C'est-à-dire, par exemple, les déserteurs. Donc il y a eu des phénomènes de désertion de masse dans l'armée allemande, extrêmement importants, et les historiens ne considèrent jamais ces déserteurs comme des résistants, parce qu'ils disent c'était des gens qui agissaient pour eux-mêmes, qui agissaient de façon individualiste, et qui n'étaient pas des gens politisés qui voulaient la chute du régime. Ce qui est la réalité. Pour la plus grande partie des déserteurs, c'était effectivement des gens qui cherchaient à sauver leur peau. À quoi je réponds que oui, peut-être, mais en attendant, c'était les gens qui prenaient le maximum de risques, qui refusaient leur collaboration au régime de la façon la plus catégorique, qui obligeaient le régime à les pourchasser, donc à dépenser de l'énergie, etc. Et si leur exemple avait été suivi, ça aurait été évidemment l'effondrement du système. Donc, même si leur intention n'était pas une intention politique, en réalité, ils étaient beaucoup plus efficaces contre le régime nazi que tous les conventicules d'opposants de droite, etc., qui élaboraient des constitutions pour l'après-nazisme, etc., et qui remplissent tout l'espace dans les bouquins qui sont consacrés à la résistance au nazisme. Voilà, qui me paraît une curiosité, c'est-à-dire les uns en sont totalement absents, et les autres, au contraire, remplissent des chapitres et des chapitres, alors que leur action a été totalement nulle, elle n'a servi à rien. Donc je ne sais plus la quatrième partie. Et pour terminer, donc j'ai essayé de revenir à ma question initiale, à savoir, et maintenant, si la même chose se reproduisait, c'est-à-dire si on avait une crise qui s'aggrave, une classe dominante pour sauver ses intérêts qui a recours à un régime autoritaire, à un régime fasciste, est-ce que la société serait plus capable de résister que ne l'a été la société allemande dans les années 30? Et pour ça, donc pour répondre à cette question, alors j'ai fait appel cette fois-ci non plus à des historiens, mais à tous les psychosociologues qui se sont penchés sur la question. Donc quelqu'un comme Stanley Milgram, dont vous avez peut-être entendu parler, donc qui a théorisé les attitudes par rapport à la soumission. Christopher Browning, qui a analysé les comportements des gens dans les unités d'extermination, ou quelqu'un qui s'appelle Michel Tereshchenko, qui est un philosophe et qui a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « Ainsi fragile vernis d'humanité » et qui est donc une réflexion extrêmement actualisée sur les phénomènes de soumission et de résistance. Voilà, donc j'ai à peu près fait la présentation de comment est organisé, comment est construit le livre. Pour finir, ce que je dirais, c'est que moi-même, quand je suis parti dans cette recherche, donc que j'ai mis 6 ans à l'écrire, le livre, j'ai commencé en 2005, en fait, il y avait un certain nombre d'a priori que j'avais, d'idées préconçues que j'avais, sur lesquelles je suis revenu. Et je me suis rendu compte que j'avais surtout une vision assez irrationnelle de ce qui s'était passé, c'est-à-dire un peu le discours qu'on retrouve dans beaucoup de livres de vulgarisation, à savoir que l'Allemagne a été prise d'un coup de folie, comme si les gens avaient été piqués par un espèce de virus fasciste inexplicable et qui leur avait fait perdre la tête. Et en réalité, après tout ce travail, je pense que j'arrive à donner une vision beaucoup plus rationnel, c'est-à-dire on comprend que c'est un mécanisme qui est parfaitement logique, avec un enchaînement de faits, et qui amène petit à petit à la situation dans laquelle s'est retrouvé le pays, que ce sont des faits qui sont parfaitement explicables, et dans la mesure où on peut les expliquer, on peut réfléchir sur est-ce qu'ils peuvent se reproduire. Alors qu'évidemment, quand on prétend avoir affaire à quelque chose d'irrationnel, ben on dit, on n'a pas besoin de réfléchir à savoir si ça peut se reproduire, puisque c'est irrationnel, donc on n'a pas de prise dessus. Voilà pour ma présentation. Si vous voulez donc qu'on discute, alors je ne sais pas si vous avez des questions ou des opinions. Vous faites juste un signe, puis comme ça je marque si vous êtes nombreux. Voilà. Juste pour faire éventuellement sourire un peu les gens, c'est une devise que j'ai entendue sur France Musique. Quel est le peuple le plus malin C'est les Autrichiens, parce qu'ils ont réussi à faire croire qu'Hitler était allemand et Mozart autrichien. Oui, oui, oui. Il y a peut-être aussi une différence majeure, tu l'as pas tellement mentionné, c'est que l'Europe sortait de la défaite de révolution sociale. Oui, tout à fait, oui. À laquelle la social-démocratie avait largement contribué d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est bon, évidemment, j'ai survolé, hein, après tout ça, c'est des questions dans lesquelles je rentre dans le détail dans le livre. Il y a effectivement, donc, particulièrement l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, donc, passe par une période de révolution sociale. Elle est à deux doigts de basculer dans la révolution. C'est la social-démocratie qui réprime la révolution. Il y a plus de morts, beaucoup plus de morts au moment de la répression du spartakisme et de la révolution en Bavière qu'il n'y en aura dans la prise de pouvoir de Hitler. La répression de Hitler en 1933 fait beaucoup moins de morts que la répression social-démocrate après la Première Guerre mondiale. Cette répression, elle va avoir un effet, on va dire, principal, ça va être de couper véritablement le mouvement ouvrier en deux, voire en trois, en tout cas de faire en sorte que il n'y aura pas de réconciliation possible entre la social-démocratie, le Parti communiste et puis l'extrême-gauche révolutionnaire qui fait un troisième camp, si on veut, et que quand on va avoir la montée en puissance du nazisme, en réalité, le Parti communiste est complètement instrumentalisé par Staline, qui lui ne voit pas d'inconvénient, voit au contraire plutôt des avantages à la prise de pouvoir de Hitler. Et donc il va faire agir le Parti communiste de façon à favoriser, on peut le dire, l'arrivée au pouvoir de Hitler. Même si après, au moment de la prise de pouvoir, les communistes seront incontestablement ceux qui vont être les principaux résistants. D'accord ? Donc les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'on a un appareil qui délibérément favorise l'arrivée au pouvoir des nazis, et par contre une base qui va se battre de façon héroïque pendant des années, et payer avec des dizaines de milliers de morts. Et puis on a une social-démocratie qui est persuadée que si elle fait le dos rond, les nazis vont les réintégrer dans le jeu politique, et vont les débarrasser des communistes, et qui vont se retrouver donc seule opposition de gauche. Et ça montre aussi à quel point, je veux dire, les dirigeants sociaux-démocrates étaient complètement aveuglés et n'avaient aucune compréhension de ce qu'était réellement le régime nazi. Ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir arriver à s'entendre. Donc, en tout cas, cette fraction du mouvement ouvrier et la lutte impitoyable qu'ils se sont livrés, communistes et socialistes, a complètement paralysé la résistance des masses, et il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu véritablement de résistance organisée. Il y a eu des résistances sporadiques après janvier 33. Il y en a eu pas mal, hein. Mais il n'y a pas eu de la résistance organisée qu'on aurait pu attendre. Comme il y avait eu, donc, dans les années 20, il y avait eu un putsch, qu'on appelle le putsch de Cap, où en fait les syndicats ouvriers avaient fait échec au putsch par la grève générale. On ne va pas retrouver ce comportement en 1933 pour faire barrage à Hitler. J'ai répondu à ta question. Ouais. Oh, ouais. Et sinon, sur l'élection, c'est passé comment, du coup, là ? Il n'a pas été élu ? Les élections ? Alors, les élections, donc, l'apogée électorale de Hitler, c'est en juillet 32, où il atteint un tiers des votants. D'accord ? Parce que c'était quoi ? C'était les législatives ? C'était des législatives, c'était les élections au Reichstag. Donc il atteint un tiers des votants, ce qui représente un peu plus de 30% des inscrits. Et aux élections suivantes de novembre 32, il va atteindre un peu plus de 30% des votants, et ce qui représente 26,7% des inscrits. C'est-à-dire, en réalité, aux dernières élections libres de la République de Weimar, le parti nazi est choisi par 26,7% des électeurs inscrits. D'accord ? Donc ça va complètement à l'encontre de l'idée qu'on a de, voilà, un leader qui arrive au pouvoir par la majorité. C'est très faux. C'est un peu plus du quart. C'est loin de la majorité. Donc, il est affaibli. La droite allemande, début 33, sait qu'on va vers la fin de la crise. Si on va vers la fin de la crise, ça veut dire que les masses vont retrouver leur capacité de résistance et vont demander des comptes sur ce qui s'est passé pendant cette crise, où il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches, qui ont fait des fortunes mirobolantes, pendant que d'autres crevaient littéralement de faim. Et ils se disent, c'est le moment ou jamais, Hitler est affaibli, on le met au pouvoir, il va nous débarrasser des rouges, et après on se débarrassera de lui. Donc, une astuce, constitutionnelle, il l'installe au pouvoir. En fait, c'est le président Hindenburg, qui est un vieux fasciste, qui l'installe au pouvoir. Ça, c'est légal. Et par contre, immédiatement, Hitler va pourchasser ses opposants, va interdire de siéger les députés communistes, les enfermer, etc., etc. Et il va demander de nouvelles élections au Reichstag pour le mois de mars. Et donc il y a déjà la terreur. Entre janvier 33, où il prend le pouvoir, et le mois de mars, il y a l'incendie du Reichstag, sur lequel on pourra revenir. Et au mois de mars, quand il y a les élections du mois de mars, on est en pleine terreur. Donc les communistes ne peuvent pas faire campagne. Peuvent quasiment pas voter, pourtant il y aura quand même des votes communistes. Les sociodémocrates sont largement pourchassés, et dans les bureaux de vote sont tenus pour l'essentiel par des nazis. Donc on peut pas parler d'élections libres. C'est déjà des élections sous la terreur. Et malgré ça, Hitler n'arrive pas encore à obtenir la majorité. Et donc il va se la faire octroyer par le Reichstag, mais par un Reichstag qui a été épuré de ses députés communistes, où il passe des accords avec les catholiques, et il arrive enfin à avoir ce qu'il voulait absolument, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Donc dire qu'il est arrivé au pouvoir par la voie démocratique, c'est véritablement une imposture. C'est parfaitement faux. Tu as répondu à la question ? Non, je ne suis pas d'accord. Mais d'abord, je voulais dire que c'est un sacré boulot et c'est ça. Je n'ai pas encore lu, je voulais le dire. Et j'ai seulement fouillé et bon, c'est un très bon travail et j'adore ça. J'adore notamment c'est ce que tu as dit un peu, c'est ce que tu as écrit sur la résistance populaire, sur ces actes-là, et aussi sur les désertions que tu as mentionnées, mais aussi sur les petits groupes de résistance souvent occultés, dont on a travaillé déjà là-dessus d'ailleurs, et qui sont pratiquement jamais mentionnés par les historiens. Ça, il ne faut pas oublier, il existait cette résistance, même antérieure. Mais la question est là, bon, pour finir avec les éloges, hein, il ne faut pas oublier, il y a des choses dont j'en suis pas sûr, où j'en ai un peu des critiques, ou peut-être, parce que en général, je trouve parfois, c'est ce que j'ai lu, un peu trop optimiste. C'est notamment... par exemple, la question phare, c'est d'où vient cette résistance? Quel impact a cette résistance vraiment à l'intérieur pour déséquilibrer le pouvoir? Et même là, moi je dirais aussi, il y avait peut-être parfois des situations où ça pourrait se reprendre pour un vrai danger pour le système. Par exemple, en 1943, avec la résistance des femmes au Rosenstrasse, qui était d'abord une résistance pour des juifs, des derniers juifs, qui sont étaient dans des mariages mixtes à Berlin, et qui s'étend pas seulement sur les femmes, mais aussi de plus en plus. Et aussi, ils ont participé, ça c'était très important, des gens du front, des soldats qui sont été venus de vacances au front, qui sont venus à Berlin, qui ont soutenu ça, d'abord par des liens parentaux, Mais puis après, il y avait un grand danger que ça prend des dimensions que Hitler a vraiment eu une angoisse parce qu'il se souvenait de Première Guerre mondiale où il pensait que ce sont des démonstrations, des manifestations des femmes en masse contre la guerre qui ont arrêté l'offensive allemande et qui sont été pris pour être culpables par l'extrême droite d'avoir perdu la Première Guerre mondiale. Ça, c'était une vraie situation où on pourrait dire, c'était même peut-être d'une envergure où on pourrait espérer que peut-être de l'intérieur, on pourrait vraiment chuter le régime. Mais c'est ce que je trouve. En même temps, on a eu aussi une vaste conscience dans la majorité des gens, et c'est pour ça que ça me plaît vraiment pas trop de construire une contradiction en haut et en bas, en but d'en bas, ou presque une contradiction de classe, parce que là, je pense, en même temps, il y avait une grande conscience de soutien, il y avait même une pensée qui était de plus en plus dure en soutien des nazis inconscients, notamment de la deuxième génération qui vivait sous le régime, les jeunes. Hitler, une fois, il a dit, peut-être les parents, ils ne sont pas encore sûrs, mais on a déjà les jeunes. Deuxième génération. Par exemple, au moment, moi je publie la biographie d'un 68 yards qui est né en 34, et il raconte dans cette biographie sa jeunesse, comment il a vécu quand il a eu 11 ans. Et il ne se rendait pas compte, mais il était conscient dans un univers de pensée nazie sans le vouloir, sans le savoir même. Et par exemple, ça explique, il ne pourrait pas se concevoir que, par exemple, Hitler perdait la guerre. C'était inconcevable pour lui. On ne pourrait pas penser. On a eu des jouets, il était 11 ans, des jouets de Messerschmitt, des avions, ils ont été plus beaux, plus esthétiques, plus techniques que les autres de la guerre. Même quand il y avait les premières pertes dans la guerre, c'était impensable de perdre, pour lui, pour sa pensée. Et ça, ça correspond aussi à des lettres, par exemple, venues du front, même des gens qui sont été des grandes institutions de conscience allemande après-guerre. Par exemple, Heinrich Böll, il existe des lettres de Heinrich Böll sur le front qu'il a envoyé à sa famille. C'est horrible quand on lit ça, ce qu'il a écrit en 1943-1944. C'est complètement enfermé dans la pensée nazie. Et moi, je pense le vrai tournant de savoir c'est ce qu'on a commis dans une plus grande partie de la population. Ce n'est même pas commencé après la libération, parce que ce n'était pas vécu en tant que libération. C'était vécu en tant que défaite. Hein, c'est important. Aussi, mon père, je peux le dire, parce que mon père faisait des transports militaires de l'Allemagne à la frontière en Russie. Et quand j'ai entendu de parler de mon père, il est toujours resté dans une pensée tactique. Oh, si on a fait cette attaque-là et peut-être une autre attaque militaire plus rusée, on pourrait gagner la guerre. Donc c'était rester dans cette pensée-là, dans ce niveau-là. Et moi, je pense que c'est ce qui a vraiment commencé à changer, une grande envergure, une culture de mémoire sur les crimes. Ça a commencé avec 68 et après même. Ça, à ce moment-là, ça a vraiment tourné la grande conscience de majorité à mon accord. Je ne veux pas travailler trop. Juste un truc encore sur la prise de pouvoir, parce que je pense que c'était démocratique. Deux trucs là-dessus. La première, Hitler a pris le pouvoir en tant que coalition démocratique. C'est comme aujourd'hui, par exemple, figurez-vous, Marine Le Pen à 30% et Sarkozy à peut-être 29%. Donc, ils font la présidentielle et peut-être vous avez une coalition de Front National et UMP. C'était passé comme ça. Et il faut savoir, quand les nazis n'étaient pas élus majoritairement, c'est vrai, par les Allemands, mais il y avait des autres partis qui n'ont pas non plus la majorité. Ça, c'est le problème. Donc, la coalition, c'est une mesure très normale de la démocratie, et il a pris le pouvoir, effectivement, de ça. Et deuxième chose, à la fin de République Weimar, il y avait beaucoup des formations nationalistes qui ne sont pas encore été nazistes. Il y avait notamment, ça c'est très important, dans les dernières années des années 20, premières années des années 30, beaucoup des milices sur la rue. Et ça c'était vraiment très violent parce qu'il y avait des morts là. Il y avait par exemple 30, 31, 32, une centaine, 200 morts par année par des... milices nationalistes, gauche, autres, et des combats avec des fusils dans la rue. Et là, ça a monté une tension qui a profité à la droite pour donner à Führer qui va mettre le calme ou mettre une issue de ces combats de la rue. Ça, je trouve très important d'en penser aussi. Je reprends quelques points de ce que tu as dit. Sur la prise de pouvoir démocratique, qu'on soit bien clair, donc je dis, il n'a pas eu la majorité aux élections, ça c'est indubitable. Après, quand il prend véritablement le pouvoir, c'est donc en mars, quand il se fait octroyer les pleins pouvoirs. Quand il se fait octroyer les pleins pouvoirs, c'est par un parlement qui a été élu par des élections non démocratiques et dont il a expurgé les communistes. Donc voilà, au total, à mon avis, on ne peut quand même pas parler de prise de pouvoir démocratique. L'impact de la résistance, il a été de toute façon effectivement extrêmement faible. Si on regarde, on s'aperçoit qu'il y a eu quantité d'actions de résistance et de gens qui ont résisté, mais que toutes ces petites actions éparpillées, en fait, ça n'a pas eu véritablement d'effet, en tout cas d'effet militaire sur le régime. Ça, c'est certain. Sur l'histoire de la Rosenstrasse, je vais peut-être rappeler, parce que je sais pas, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Donc la Rosenstrasse, c'est une rue de Berlin, et on est après Stalingrad, juste après Stalingrad, en 1943, et les nazis, qui ont déjà déporté les juifs complets, comme ils disaient, se mettent à déporter donc les juifs qui jusque-là étaient protégés, qui étaient mariés à des ariennes. D'accord, les hommes juifs qui étaient mariés à des femmes allemandes. Donc il y a une rafle, ils les enferment dans une espèce de prison qui est à la Rosenstrasse, et ces femmes, immédiatement, spontanément, sans s'être concertées, ce qui va prendre au dépourvu les nazis, se rassemblent devant la prison, et elles ont appris, du régime nazi, elles ont appris une chose, c'est que si elles veulent les faire reculer, ça veut dire qu'il faut absolument qu'elles lâchent pas prise, qu'elles laissent pas partir leur conjoint, parce que s'ils partent, on les reverra jamais. Donc, elles se rassemblent devant les portes de la prison, et elles refusent de bouger, les SS essayent de passer à travers avec des sidecars, etc. Alors, elles se dispersent, puis elles reviennent aussitôt. Mais ces femmes, au total, elles sont 600. C'est 600 au moment le plus important. C'est un tout petit nombre de gens. Et quand tu dis ça aurait pu faire basculer les choses, honnêtement, je ne crois pas. Et par exemple, je cite des exemples de résistants allemands qui vivent à Berlin au même moment et qui n'ont même pas entendu parler de cette action-là. Pour montrer à quel point... Une fois que la dictature est en place, la société est atomisée. C'est-à-dire que il y a plus de il y a plus de relations, d'échanges possibles entre les gens, et tout ce dont on entend parler, on le met sur le compte de la rumeur, de la propagande, de l'intoxication, etc. Alors il y a des gens qui entendent parler de manifestations, etc., mais de quoi ils retournent exactement, ils le savent pas. Alors ces femmes obtiennent une victoire immédiate. C'est-à-dire, effectivement, comme tu dis, hein, le pouvoir a peur que si ça tourne mal, s'ils se mettent à tirer sur des Allemands dans plein Berlin, après Stalingrad, alors qu'il y a eu un peu dans toute l'Allemagne des manifestations de femmes, de prisonniers qui ont conspué Hitler, etc. Donc ils ont peur que ça se répande. Donc ils préfèrent libérer les gars en question, qui vont rattraper quelques semaines plus tard, mais pour que les femmes retournent chez elles, et ils reculent très provisoirement, mais ils reculent. Que ça ait pu à ce moment-là se transformer en un mouvement structuré, ça me paraît difficile à croire. Quand on est à la période de Stalingrad, on a un régime qui est devenu ultra minoritaire dans la population, en tout cas à l'arrière, ça c'est absolument certain. Les Allemands, dans leur immense majorité, ne voulaient pas la guerre. En fait, ils étaient comme les autres peuples d'Europe, ils avaient le souvenir de la Première Guerre mondiale, qui avait été dramatique, il y avait eu les morts de la guerre, et puis il y avait eu les morts du résultat du blocus, de la famine, etc. Ils ne voulaient pas retourner dans une guerre mondiale. Si Hitler avait été aussi populaire avant 1939, c'est parce que toutes ces reconquêtes, la Sarre, la Rhénanie, l'Anschluss, tout ça, avaient été obtenues sans tirer un coup de fusil. C'est ça qui faisait sa popularité. Et je cite des manifestations pacifistes d'Allemands sous la dictature, à l'époque, au moment des accords de Munich, par exemple, qui scandalisent Hitler, mais qui l'impressionnent beaucoup parce qu'il se dit « Mais comment je vais faire la guerre avec des gens qui ont aussi peu envie de se battre ?» Donc en réalité, là, il entraîne le peuple allemand à la guerre malgré lui. Alors après, il y a l'euphorie des victoires. Mais dès que ça commence à tourner au vinaigre, c'est-à-dire dès l'hiver 41, en fait, ça y est, on voit tout de suite une décroissance de la popularité du régime. Je cite un certain nombre d'indicateurs. Comme par exemple, quand il y avait des morts, les gens dans les journaux faisaient paraître un petit... comment on appelle ça ? Hein ? Un avis de décès, et qui était en général accompagné de mort pour l'Allemagne et le Führer, etc. À partir de la fin 41, on voit disparaître toutes les mentions, enfin, on voit disparaître massivement les mentions mort pour le Führer, il n'y a plus que l'Allemagne. Ou alors, on peut constater ça aussi avec le comportement des épargnants. On s'aperçoit qu'à partir de fin 41, les gens commencent à ne plus épargner, ils n'ont plus confiance dans le régime, ils n'ont plus confiance dans la victoire, etc. Ça va suivre des fluctuations, mais grosso modo, ça va décroître. Alors, on a un régime auquel les gens ne croient plus. Le Stalingrad, c'est un coup de tonnerre. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant, les nazis annonçaient la prise de Stalingrad. Et tout d'un coup, on apprend que non seulement Stalingrad n'a pas été prise, mais qu'une armée entière a été capturée. C'est un scandale considérable. Il y a des manifestations spontanées de rue, etc. Il y a ça d'un côté, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que la guerre à l'Est, et alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que s'il y a une fraction importante de la société allemande qui a été nazifiée profondément, c'est l'armée qui se battait à l'Est. Du fait du caractère impitoyable, on va dire, de la guerre de partisans, entre les partisans soviétiques et l'armée allemande. Et donc là, on a une véritable... Il y a un livre d'un historien qui s'appelle Omer Bartov, qui est très bien fait, qui a décrit la nazification de l'armée allemande du front de l'Est. Alors, on a les Allemands savent que la guerre à l'Est, alors ils en ont une vision évidemment déformée par la propagande, mais ils savent qu'elle est d'une violence épouvantable et que si jamais ils perdent, ils vont subir des représailles terribles. Donc il y a cette peur là. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que pendant longtemps, il y avait un fond de sympathie d'une partie en tout cas de la population pour les démocraties. Au moment où il y a eu Munich, même au moment où il y a eu 1940, etc., on a pas mal de témoignages qui montrent que Les gens auraient bien voulu, de toute façon, que la guerre s'arrête là, n'auraient pas voulu qu'il y ait un trop de succès de l'Allemagne, etc. Et surtout pas être entraînés dans une guerre mondiale. Et puis, à partir de 1942, les états-majors anglais d'abord, américains ensuite, décident sciemment, froidement, de bombarder les zones d'habitation allemandes plutôt que de bombarder les industries. C'est-à-dire, c'est vraiment une politique qu'on pourrait qualifier de terroriste, qui vise explicitement, hein, je cite les ordres, etc., à briser le moral du peuple allemand. Et donc, expérimenté par les Allemands déjà, la guerre nucléaire. Alors, ça avait été expérimenté par les Allemands, mais alors à une échelle, si tu veux, qui n'avait rien à voir. Quand on voit les grands bombardements sur l'Angleterre, Coventry, etc., c'était pas le centième des bombardements qu'il y avait sur l'Allemagne. Et c'est quelque chose d'un cynisme incroyable, parce que le résultat, ça va être que jamais l'Allemagne, qui pourtant est complètement ensevelie sous les bombes, ne sortira autant d'armes qu'en 1944, que dans le deuxième semestre 1944, c'est-à-dire alors que la guerre est déjà perdue. Parce que les Alliés n'ont pas visé son industrie de guerre, ils ont visé en priorité les populations. Et cette stratégie, avec des massacres, le bombardement de Hambourg ou le bombardement de Dresde, des trucs absolument épouvantables, c'est délibéré. Et là, j'ai énormément de témoignages, y compris de résistants, etc. Ça va provoquer une espèce de sursaut patriotique, on va dire. C'est-à-dire que les gens vont se ressouder entre eux et finalement la parole des dirigeants nazis qui dit « mais ils veulent tous nous exterminer, aussi bien les soviétiques que les anglo-américains », tout d'un coup elle devient crédible parce qu'il y a cette espèce de politique où on s'attaque à des populations civiles, des villes où il n'y a absolument aucun appareil militaire, qui sont rasées complètement, disparaissent de la carte. Et donc pour la population civile allemande qui est restée à l'arrière, c'est la preuve qu'effectivement les autres veulent les exterminer. Alors il y a une espèce de double contrainte, hein, comme on dit en psychologie, entre d'une part les gens voudraient que la guerre s'arrête, ne croient plus au régime, voudraient être débarrassés d'un régime auquel il y a une minorité qui croit encore, hein, mais la majorité non. Et puis d'un autre côté, bah, ils sont obligés de se battre contre un ennemi qui soit va se venger, donc les soviétiques, de toutes les violences qu'ils ont subies, soit semble prêt à exterminer l'Allemagne et c'est les tapis de bombes sur des villes de civils. Et donc, à ce moment-là, on a énormément de témoignages de gens qui se demandent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait essayer de lutter contre le régime. Et puis, non, ils sont pris dans cette espèce de truc complètement infernal dont ils ne voient pas comment ils pourraient sortir, en réalité. C'est un petit peu ça que je voulais dire, si tu veux. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des pans de la société qui ont été nazifiés. Donc, l'armée de l'Est, alors l'armée de l'Est, c'était quand même la moitié des combattants allemands. C'est quand même pas rien, hein. Ça, c'est certain. Et puis la jeunesse, alors on pourrait en dire quelque chose. Donc, effectivement, le grand espoir des chefs nazis, en fait, ils croyaient pas qu'ils pourraient véritablement instaurer le national-socialisme idéal avec les générations qu'ils avaient sous la main, des adultes des gens qui étaient adultes quand ils ont pris le pouvoir. Ils étaient persuadés que c'était la génération suivante, la seconde génération, quand elle serait passée par le moule nazi, qui allait effectivement produire ces fameux hommes nouveaux national-socialistes, etc. Alors ça, c'est... Ils ont en partie atteint leur but, c'est-à-dire qu'on a effectivement une partie importante de la jeunesse qui est endoctrinée, qui part se battre, notamment sur le front de l'Est, et c'est les jeunes issus des jeunesses hitlériennes qui vont redonner le moral, si on peut dire, après Stalingrad, aux combattants de l'Est qui commencent à perdre les pédales, et en voyant arriver ces jeunes idéalistes qui sont prêts à se battre, etc., etc., donc il y a une espèce de sursaut. Mais c'est en même temps, on trouve dans ces jeunes qui sont passés par l'école nazie, par les organisations hitlériennes, c'est là qu'on trouve aussi les résistants qui ont été les plus implacables au nazisme. Et donc je cite un certain nombre d'exemples. Alors, c'est jamais que des exemples, ça fait pas une masse, mais de gens qui n'avaient jamais connu d'autre éducation que le nazisme, dont la famille était, on va dire, apolitique, pour faire simple, et qui, à un moment, rentrent en résistance. Et ça, c'est tout un peu l'inconnu et la fascination qu'on peut éprouver pour qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment, quelqu'un qui n'était absolument pas prédisposé, va basculer dans la résistance et va être capable d'actes de courage absolument incroyables, alors que d'autres, que tout aurait prédisposé à être des résistants, vont se planquer, faire le mort et essayer de survivre. Personne ne peut les juger non plus, hein. Mais voilà. Et il n'y a pas de déterminisme. Et au bout du compte, le régime nazi, on peut dire, a raté son coup en matière d'endoctrinement. Et je cite un certain nombre d'exemples. Alors ça, c'est la vertu des témoignages. Je cite des exemples et des contre-exemples. C'est-à-dire effectivement des gens qui témoignent qu'ils ont été complètement fanatisés. Alors tu cites l'exemple d'Heinrich Böll, je cite à plusieurs reprises. Des gens qui ont été complètement fanatisés et qui étaient persuadés qu'ils se battaient pour un idéal, un véritable idéal, hein, comme peuvent l'être les jeunes, et puis d'autres jeunes qui avaient parfaitement gardé leur esprit critique, qui écoutaient en cachette la BBC, etc., et qui n'étaient absolument pas dupes de tout ce qu'on essayait de leur mettre dans le crâne. Oui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la majorité des hommes valides étaient sur le front. Alors pour résister, il fallait être non militaire. Si vous étiez militaire, vous ne pouvez pas résister. Absolument. À la bataille de Stalingrad, lorsqu'il est arrivé les jeunes Allemands, qui avaient 16 ans, les anciens qui avaient 25 ans, c'est une boutade quand on parle d'anciens, ont été presque découragés parce qu'ils ont dit, pour qu'on en arrive à nous envoyer des enfants sur le front, un front aussi difficile que celui de Stalingrad, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été l'hiver le plus rigoureux. 42-43, ça a été un hiver extraordinairement froid, et qu'ils se battaient entre moins 30 et moins 40. Et il y a eu une période de découragement, et c'est facile de dire aux gens de résister, encore faut-il pouvoir faire résister, parce que tous ceux qui étaient embrigadés sur le front, ils ne pouvaient pas résister. Et on est étonné, justement, que tant de généraux allemands n'aient pas résisté, parce qu'on a parlé toujours du pouvoir absolu de Hitler, mais ce pouvoir était quand même, et il y avait un état-major, tout autour de lui, il y avait un certain nombre de personnes importantes qui n'ont jamais levé le petit doigt pour discuter les décisions du Führer. Absolument. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose sur quoi j'aurais peut-être dû insister, c'est-à-dire... Il y a deux périodes, clairement, dans le régime nazi. Il y a avant la guerre et il y a à partir du moment où il y a le déclenchement de la guerre. Donc, avant la guerre, c'est déjà extrêmement difficile de résister. En réalité, les organisations aussi puissantes que le Parti communiste disparaissent en quelques mois. Hein. Alors après, il va subsister des cellules qui vont d'ailleurs durer pendant longtemps et continuer à faire de la contre-propagande, mais l'organisation militaire du Parti communiste, qui était le Parti communiste le plus puissant d'Europe, elle est détruite en quelques mois, hein, ça va très très vite. Après la résistance donc, est le fait de petits groupes isolés. Mais jusqu'en 1939, on peut encore être relativement neutre. C'est-à-dire qu'on peut encore se défiler, éviter de participer, éviter de collaborer au régime. Mais à partir du moment où le pays se trouve sous l'uniforme, ce que je disais tout à l'heure, une espèce de double totalitarisme, là, il n'y a même plus de neutralité possible. Celui qui veut être neutre, c'est qu'il est un ennemi et on le fusille. Et une fois sous l'uniforme, j'avais déjà pu le vérifier à propos de la guerre des tranchées, la résistance devient extrêmement périlleuse. En gros, la seule résistance qui reste possible, c'est précisément la désertion, ce que vont faire un nombre considérable d'Allemands, dont une partie vont d'ailleurs aller passer dans les maquis aussi bien à l'Est qu'en France. Hein. En France, il y a eu des maquis qui ont été animés par des résistants allemands. Mais c'est vrai qu'une fois le pays sous l'uniforme, la résistance devient extrêmement compliquée. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, que le principal général de Stalingrad, lorsque la guerre est terminée, se retrouve dignitaire en Allemagne de l'Est, c'est quand même surprenant. Oui, alors ça, c'est, bon, ça, c'est une histoire compliquée parce que Paulus, donc le général en question, il y a eu toute une négociation avec les soviétiques pour qu'il accepte de témoigner à Nuremberg, contre quoi il lui promettait la vie sauve. Enfin, c'était toute une magouille. Juste un mot pour rebondir sur ce que vous dites. Il y a, quand on regarde les bouquins en français, écrits par des auteurs français, au départ, j'étais pas parti pour écrire un énorme pavé comme ça. Au départ, j'étais parti pour écrire... J'étais parti pour écrire un livre exclusivement sur la résistance. Parce qu'il y avait une historienne, une universitaire française, je dis « il y avait » parce qu'elle est morte depuis, cette dame, qui s'appelle Barbara Köhn, et qui avait sorti un livre sur la résistance allemande, un livre qui avait beaucoup de succès, et qui m'avait littéralement scandalisé, c'est-à-dire que pour elle, la résistance, c'était d'abord la résistance de l'armée, ensuite c'était la résistance des églises, et puis après, donc, elle parlait un petit peu de la résistance... communiste, socialiste, juive, etc. Mais c'était avant tout la résistance de l'armée, celle des églises. Alors la résistance de l'armée, c'est ce que vous dites, il n'y en a pas eu, tout simplement. Au contraire, il y a eu une collaboration absolument effrénée des militaires allemands d'abord pour amener Hitler au pouvoir, ensuite pour l'y maintenir. C'est eux qui l'ont aidé à se débarrasser des chefs de la SA. Et ensuite... alors, en particulier de Himmler. Quand Himmler a été abattu, oui. En Tchécoslovaquie. Heydrich, vous voulez dire. Heydrich. Mais, alors, bon, ce qu'on sacralise, c'est l'histoire du putsch du 20 juillet. Donc, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde. Hein, le 20 juillet 1944, il y a des officiers qui mettent une bombe dans le QG de Hitler. Ils sont à deux doigts de tuer Hitler. Et derrière, ils tentent un putsch à Berlin, à Vienne, à Paris. Ils tentent de prendre le pouvoir. Ça va se terminer en une journée, sans même qu'il y ait de combat, c'est-à-dire qu'en fait, leur truc fait un pchit complet. Sur les gens qui ont fait ce putsch, et qui sont présentés comme des résistants, en réalité, ils avaient tous servi le régime jusqu'à Stalingrad sans arrière-pensée. Certains d'entre eux avaient des réticences d'ordre moral, etc. Mais en attendant, je veux dire, ils faisaient la guerre, ils signaient des ordres de détruire des villages, de massacrer des juifs, etc. Parce que c'était la guerre, c'était leur devoir, etc. Et en réalité, s'ils ont posé cette bombe dans le QG de Hitler, c'est parce qu'ils pensaient que Hitler amenait l'Allemagne à la catastrophe, qu'il fallait s'en débarrasser pour passer une alliance avec les Américains et se retourner contre les Russes. C'était ça leur projet. Et ce qu'ils voulaient... Excusez-moi, oui. Je vous ai dit Himmler, je pensais à Heydrich. Oui, Heydrich, oui. Excusez-moi. Ce qu'ils voulaient ces militaires-là, tout simplement, c'était un nazisme sans Hitler. Et donc, on ne peut absolument pas les qualifier de résistants. Et quant à la résistance des églises, alors, il y a eu des résistances de chrétiens, ça c'est certain, et notamment on les trouve assez nombreux dans les réseaux d'aide aux juifs, mais le clergé, que ce soit le clergé protestant ou le clergé catholique, n'a absolument pas résisté. Ça, c'est vraiment une imposture que de dire ça. Au contraire, on pourrait remplir des pages et des pages avec toutes les déclarations de soutien que tous les dimanches qui étaient publiées en faveur de Hitler. Alors, il y a eu une opposition au régime de la part de l'Église catholique, c'était dans le but de préserver ses prérogatives. Hein, c'est-à-dire de préserver le catéchisme, de préserver notamment son emprise sur les jeunes, hein, ce que les nazis voulaient absolument lui arracher. Donc il y a des moments où l'Église catholique s'est opposée au régime, mais pas parce qu'elle contestait l'idéologie du régime, mais c'est uniquement parce qu'elle se sentait menacée et que le régime nazi était un régime extrêmement anticlérical. Voilà. Donc il faut faire justice de ces pseudo-résistances. Le rôle du Vatican a été quand même de faciliter après l'ex... Oui. Alors le Vatican a signé le concordat avec Hitler dès les mois qui ont suivi la prise de pouvoir. Et si le Vatican avait mis autant d'énergie à essayer de sauver les Juifs qu'il en a mis à sauver les anciens nazis après la dernière guerre, les choses se seraient passées autrement. Donc là on est dans l'imposture totale, quoi. Hein. Alors, ce qui n'enlève pas qu'il y a un certain nombre, il y a même un nombre important de prêtres, de pasteurs qui ont été tués à Dachau, qui ont fait de la résistance tout à fait courageuse, mais c'était en aucune façon l'épiscopat. Vous parlez depuis un long moment de résistance, notamment de ce que j'ai bien compris, des petites cellules de gauche pour aller au début du régime, quand c'était pas encore complètement totalitaire et qu'on a tout verrouillé, je comprends, mais ça prenait quoi comme forme de résistance? C'était quoi les actions dont vous avez mis en place? Alors, au début du régime, c'est pas verrouillé. Si, c'est tout de suite complètement verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a une période, on va dire, avec des luttes sporadiques, avec une incertitude, avec une lutte pour le pouvoir jusqu'en mars, de la fin janvier à mars. C'est-à-dire, c'est très court. Mais à partir de mars 33, c'est la dictature complète, les camps de concentration, etc. Et tout est verrouillé. Alors après, la résistance, la forme qu'elle prend. Alors, il y a d'abord la résistance communiste. C'est vraiment de très très loin la plus nombreuse. Donc le Parti communiste, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de maintenir sa structure. Donc l'essentiel de l'énergie des militants communistes au début du régime, ça va être de maintenir intacte la structure clandestine du Parti communiste. Et ça va leur coûter extrêmement cher, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que les nazis détruisent une cellule, ils peuvent remonter, etc. Et il y a un système qui n'est pas du tout adapté. Leur mode d'action, c'est principalement la distribution de tracts. Donc des distributions de tracts sont extrêmement nombreuses jusqu'en 1937, en gros. C'est-à-dire pendant 3 ans, on a quand même, malgré que l'infrastructure du parti était détruite, toutes ces cellules qui sont pratiquement isolées les unes des autres, mais qui sont en contact individuellement avec l'étranger et tout, continuent à avoir une action de contre-propagande vraiment très importante. Au niveau des sociodémocrates, ça va être plus le fait, alors là carrément, de maintenir la relation entre les militants. Alors on peut à peine parler de résistance, de maintenir l'action entre les militants par l'intermédiaire de tissus associatifs qui masquent un petit peu leur activité politique. Donc ils font circuler leurs journaux clandestins, mais entre eux. Ils n'essayent pas tellement de le pousser à l'extérieur. Et puis de la part des petits groupes de gauche, ben c'est aussi principalement de faire de la contre-propagande. Alors là, je dis les choses un peu grossièrement, parce qu'après, on a tout un tas d'exemples, alors d'actions spectaculaires qui ont été menées, d'actions de sabotage, sur des grands chantiers, notamment, puisqu'il y avait beaucoup d'ex-communistes qui avaient été embauchés sur des grands chantiers, au moment d'inauguration d'autoroutes, au moment, par exemple, des Jeux Olympiques de 1936, où il y a des moments où il y a des tracts qui s'envolent anti-hitlériens, il y a des cris dans la foule, etc. Mais c'est tout des actions qui durent quelques minutes, quoi, et puis les gens se dispersent parce que évidemment ils risquent leur vie en faisant ça. Est-ce que ça répond à la question? Voilà. Et puis après, à partir de 1937, alors là on peut dire que l'essentiel de cette activité disparaît, on a encore des petites cellules qui continuent à agir, notamment dans les usines, à essayer d'inciter les ouvriers au sabotage. Comme ce sont, alors principalement, pas exclusivement, mais principalement les militants communistes qui sont à la pointe de ça, on va avoir aussi une période pendant laquelle cette activité va pratiquement disparaître, c'est la période pendant laquelle l'Allemagne va s'allier avec l'Union soviétique. C'est-à-dire à partir de septembre 39 jusqu'à juin 41, jusqu'au moment où Hitler attaque l'Union soviétique. Donc là, la consigne, qui est d'ailleurs pas toujours suivie, mais la consigne c'est « on ne s'en prend plus au régime nazi ». Et puis à partir de 1941, alors là, les cellules communistes sont réactivées dans les usines pour appeler les ouvriers au sabotage. Et il va se passer quelque chose... ça répond un petit peu aussi à ce que tu disais tout à l'heure, ça donne un autre éclairage. C'est-à-dire que les ouvriers communistes appellent leurs camarades au sabotage. Et tous les gens qui sont dans ces usines, ils ont eux-mêmes des parents, etc., des frères, qui sont sur le front à l'Est. Et ils se disent, mais si on sabote les armes que vont recevoir nos propres parents, etc., nous qui sommes en sécurité à l'arrière, on va les mettre en danger alors qu'eux, ils se battent, etc. Et les campagnes de sabotage, à cause de ça, vont avoir finalement très très peu d'effet. Il va y avoir on va trouver des actes de sabotage, je cite, dans certaines usines, mais massivement, les ouvriers ne volent pas pour la raison que j'explique là. Les gens sont pris dans des situations vraiment extrêmement complexes. Une question. Moi, j'ai juste une interrogation sur le contexte historique, parce que tu dis qu'il y a en quelque sorte, au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, qu'il y a un plan de la droite traditionnelle, de la droite parlementaire, aujourd'hui, qui est de placer Hitler à la tête de l'État en se disant qu'il n'est pas... on pourra le virer après, une fois qu'il aura fait le sale boulot à notre place, qu'il aura éliminé les communistes de la société. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que la droite parlementaire, elle est dépassée par le succès d'Hitler et par la force du Parti communiste, et qu'elle choisit Hitler pour lutter à la fois contre les communistes et contre ces fameuses milices nationalistes qui tiennent la rue partout en Allemagne depuis quelques années, et qu'elle lui fait confiance pour reprendre le pays en main, mais pas du tout qu'elle a un plan pour le retirer du pouvoir après. Donc ma première question, c'est ça. Et ma deuxième question, c'est si elle avait, elle pensait justement se débarrasser d'Hitler, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Alors, j'essaie de te répondre. Alors, les milices, c'est ce qu'a dit Reinhard tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pendant les années qui précèdent l'arrivée au pouvoir d'Hitler, on a principalement le Front Rouge, c'est-à-dire les milices communistes, et puis de l'autre côté la SA, qui effectivement s'affrontent dans les rues tous les dimanches, il y a des morts, etc., etc. Oui, oui. Alors, il y a aussi les milices socialistes, il y a aussi le Stalem, donc il y a une milice nationaliste, mais alors, bon, en tout cas, de ce que moi j'ai pu retirer, c'est quand même avant tout la SA et les milices communistes qui sont les plus nombreuses, les plus virulentes, les mieux armées, les mieux organisées, etc., etc. Ça, c'est plutôt quelque chose qui justement pousse les gens à vouloir que vraiment ça s'arrête à tout prix, quoi, parce que c'est peut-être de désordre permanent, de violence permanente, et finalement les gens vont accepter la violence institutionnelle du régime nazi, quelque part parce qu'elle met fin à cette espèce de violence sauvage qui envahit les rues, dont elle ne sait pas comment elle peut tourner, etc., etc. Sur le fait que la droite avait un plan, bah écoute, je cite abondamment les politiciens allemands eux-mêmes, von Papen, etc., Hindenburg, c'est véritablement un plan concerté. Ils n'ont aucune intention et ils ne pensent absolument pas qu'Hitler sera capable de se maintenir au pouvoir. Et leur principal atout, c'est ce qu'ils pensent, hein, leur principal atout pour tenir Hitler en laisse, c'est qu'ils ont placé au gouvernement, comme ministre de la Défense, un dénommé von Blomberg, qui est censé être un nationaliste, et qui donc tient l'armée. Donc ils se disent, tant qu'on tient l'armée, de toute façon, on fera ce qu'on voudra des nazis le moment venu, etc. Et il se trouve qu'en réalité, l'armée, dès les premières semaines, Hitler annonce qu'il va mettre en place un plan de réarmement fantastique, qu'on va redonner la puissance à l'Allemagne, qu'on va remettre l'armée à la première place qui lui revient, etc. Et l'armée le suit comme un seul homme, l'espoir que fondait la droite sur l'armée pour tenir Hitler en laisse disparaît. Après, ça c'est une situation qui va être transitoire, c'est-à-dire ça va durer jusqu'à l'été 34. Et à l'été 34, ce que a retenu l'histoire, c'est que Hitler se débarrasse des SA. Hein, de Rome, etc., c'est-à-dire de l'aile populiste socialiste de son parti qui soi-disant l'aurait menacé, etc. Et là, en réalité, une épuration peut en cacher une autre. Parce qu'en vérité, Hitler se débarrasse des quelques chefs SA, mais qui ne représentaient en réalité pas un véritable danger. C'était des gens qui demandaient à partager le gâteau, on va dire, hein, avec l'élite du parti nazi. Sinon, ils n'avaient pas véritablement de projet politique. Par contre, il y a un nombre beaucoup plus important pendant ces fameuses nuits des longs couteaux de têtes de file de la droite donc les amis de Von Papen, etc., qui avaient porté au pouvoir, qui sont assassinés à ce moment-là. Et c'est eux véritablement que Hitler vise, c'est-à-dire qu'en fait il terrorise cette fameuse droite qu'il a portée au pouvoir, qui pensait pouvoir se débarrasser de lui, et il leur montre que s'il y en a qui lèvent le petit doigt, ça sera l'illumination. Et en réalité, ça c'est encore l'histoire sélective, c'est-à-dire qu'on a retenu la nuit des longs couteaux, c'est l'élimination des chefs et ça, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est l'élimination de quantité de chefs ou de têtes pensantes, on va dire, de cette fameuse droite conservatrice qui pensait manipuler Hitler. Deux questions aussi. Il y en a une, tu as presque dit, mais cette génération-là qui a été nazifiée à la naissance, oui. Ça a donné quoi? Donc, génération. Ouais, alors, c'est dissous comme ça, une fois que ça, tout ça est défini. Oui, bah là, bon, là, écoute, alors, après, c'est vrai que moi, je m'arrête en 46, je m'arrête, en gros, à la principale période de la dénazification, mais déjà à ce moment-là, par exemple, dont je cite notamment, donc Stieg Dagerman, hein, qui a beaucoup parlé de cette période-là, et puis d'autres observateurs, et il y a une, dans les tribunaux de dénazification, il y a une espèce d'accusation, c'est-à-dire que la jeunesse qui, sur les dernières années, avait été alors obligatoirement enrôlée dans les organisations nazies, se retourne vers les adultes en disant, parce que, tous les SS sont considérés comme des criminels de guerre par les lois de dénazification. Et donc, les jeunes qui avaient été massivement enrôlés dans la SS et en tout cas, on ne leur demandait pas leur avis à ce moment-là, hein, dans la deuxième partie de la guerre, se retournent vers les adultes en disant « Mais écoutez, nous, on a fait ce qu'on nous a ordonné, etc. etc. » Et donc, voilà, je cite des moments d'affrontement comme ça entre générations dans le cadre des tribunaux de dénazification. Ce que sont devenus ensuite ces générations, je ne sais pas. Mais par contre, il y a une chose que je sais, c'est que bon, tout le monde a en mémoire la façon, enfin je sais pas, ou en tout cas la façon dont la République fédérale allemande, en fait, a eu tellement de mal à regarder son histoire en face à l'époque de Adenauer, etc., etc. Il faut voir aussi, si on se replace du point de vue des Allemands, que, donc, il y avait eu cette guerre qui avait été extrêmement cruelle à l'Est, qui avait été déclenché par le régime nazi. Il y avait eu ces fameux bombardements dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour les gens qui habitaient en Allemagne, qui n'avaient pas participé aux atrocités à l'Est, ils pensaient qu'il y avait des crimes des deux côtés. D'accord ? Mais la découverte, évidemment, des camps d'extermination, ça va renforcer, j'allais dire, ce côté justice des vainqueurs qui fait qu'il y a un coupable et qu'on le juge, etc. Mais, par exemple, quand on accuse l'Allemagne d'avoir déclenché la guerre, on oublie complètement que l'URSS a envahi la Pologne en même temps que l'Allemagne, par exemple. Et donc ça, c'est passé sous silence. Donc, il y a une espèce de sentiment d'injustice de la part des gens dans leur ensemble. Alors, j'explique, hein, je justifie pas, je n'excuse pas, mais j'essaye d'expliquer. Donc il y a une espèce de sentiment d'injustice qui va faciliter le déni, hein, faciliter le déni des crimes. Une espèce de truc de dire, mais puisqu'on ne reconnaît pas notre souffrance à nous, pourquoi on reconnaîtrait la souffrance des autres, en gros. Et puis alors, il y a un jeu incroyablement cynique des puissances vainqueurs, qui dans un premier temps, pendant à peu près 18 mois, considèrent les Allemands comme collectivement responsables. Donc, une espèce d'attitude xénophobe qui est la suite de ces fameux bombardements aveugles sur les populations. Et puis dans un deuxième temps, on va récupérer toutes les anciennes élites nazies pour les mettre au pouvoir, pour s'en servir, et on va retrouver, dans le gouvernement d'Adenauer, dans toutes les, on va retrouver, à peine épuré, on va retrouver l'ancien système nazi, alors que, et j'en montre pas mal d'exemples, dès le début, dès l'entrée en Allemagne des Alliés, partout là où il y a eu des insurrections, là où il y a eu des opposants qui ont remplacé les nazis, ils vont être immédiatement écartés. Ils vont être écartés parce que il n'est pas question que les Français qu'on a reconnus comme s'étant libérés, il n'est pas question qu'on reconnaisse la même chose aux Allemands. Moi, j'étais vachement frappé, par exemple, quand j'ai lu les histoires des procès de Radour-sur-Glane. Le procès de Radour-sur-Glane, où il y avait donc des Allemands qui avaient participé au massacre, et puis il y avait des Alsaciens qui avaient été enrôlés. Et on a reconnu la condition de malgré nous, et donc des circonstances atténuantes aux Alsaciens, et pas aux Allemands. Comme si les Allemands, par définition, n'avaient pas pu être des malgré nous. Il y a quelque chose qui est intellectuellement, qui n'est pas acceptable, quoi. Alors bon, les institutions allemandes, à commencer par l'armée, les églises, avaient évidemment envie de se dédouaner de leur collaboration au régime nazi. Donc elles ont poussé à la roue au maximum pour que ce travail de mémoire se fasse pas en réalité. Hein. Alors, je peux pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais j'y consacre à peu près deux chapitres. Ne pensez-vous pas que l'essor du parti nazi a été lié quand même dans une certaine partie grâce à l'essor économique de l'Allemagne entre 1934 et 1937? Tout à fait, oui. Alors, je finis, je vous réponds tout de suite. Hein. L'économie. Alors, donc c'est un phénomène assez complexe, hein, parce que les alliés changent complètement de stratégie, et puis la RFA, le nouveau gouvernement conservateur de RFA, qui lui s'appuie sur les piliers qui avaient été les mêmes piliers que le régime nazi, hein, c'est-à-dire le patronat, l'église, l'armée, il cherche à se remettre en selle et à recycler de l'ancienne administration nazie. Donc c'est assez compliqué, bon, j'essaye de l'expliquer le plus clairement possible. Alors, pour reprendre ce que vous dites, c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que Hitler a eu la chance du diable. Et là, il ne faut pas s'imaginer que si ce régime a pu prospérer, a pu devenir aussi puissant, se lancer à l'assaut de l'Europe, etc., on ne peut pas imaginer qu'il ait connu que des échecs. Il a eu forcément des succès. Et donc, Hitler a une chance absolument incroyable. Enfin, c'est pas exactement une chance, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que c'est sciemment, sachant que la reprise économique arrivait, que la droite l'a mise au pouvoir. Et donc, quand Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933, en fait, il arrive au pouvoir au moment où il y a la reprise économique mondiale, donc il y est pour rien. Lui va prendre des mesures volontaristes pour renvoyer les femmes à la maison, notamment les femmes dont le mari travaille déjà. Il va épurer donc les administrations des juifs, d'une partie des opposants, ce qui va libérer des postes. Donc reprise économique plus action des nazis, ça va faire que finalement, dans un temps assez bref, puisque c'est à peu près un peu plus de 3 ans, en fait, il va avoir le retour au plein emploi. Et donc, pour notamment la génération des jeunes Allemands, des jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans au moment où Hitler prend le pouvoir, des gens qui n'avaient aucun espoir de trouver du travail, etc., là, le régime, évidemment, il va leur apporter, il va répondre à la première attente qu'avaient les gens, à savoir retrouver du boulot, retrouver la possibilité pour des jeunes de se loger, de travailler, de fonder une famille, etc., etc. Et ça va évidemment faciliter le fait que un certain nombre de choses, on va pas vouloir les voir, notamment les persécutions antisémites, parce qu'on est tellement soulagé d'être sorti de la crise, on est tellement soulagé que ça y est, l'économie repart, on retrouve du travail, on a de quoi bouffer, etc., etc., que du coup, il y a un certain nombre de choses qu'on va pas vouloir regarder. Il y a eu cet effort de la propagande, je parlerai par exemple des Jeux Olympiques ou de Volkswagen, qui a été quand même, pour les Allemands, c'était pour eux un symbole. Oui, alors attention, parce que l'histoire de Volkswagen, en réalité, donc j'en parle dans le détail, c'est en grande partie une escroquerie. Oui, non. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait bien les fabrications de Volkswagen, mais pour tout le monde. Tous les gens qui avaient acheté des Volkswagen à crédit, si on peut dire, c'est-à-dire qui avaient commencé à les payer d'avance, etc., ils vont jamais avoir leur Volkswagen parce qu'il va y avoir la guerre et qu'en réalité, toutes les voitures vont être réquisitionnées pour la guerre. Oui. Alors après, donc il y a une première partie donc de la période avant la guerre où le régime effectivement est crédité de cette reprise économique, de la baisse spectaculaire du chômage, etc. Ça, c'est indéniable. Et une partie de sa popularité, notamment chez les jeunes, vient de là. Et puis après, à partir de 36, ben, les Allemands voient qu'on est sorti, du chômage, on retrouve le plein emploi, et quelque part, ils voudraient aussi profiter de la prospérité retrouvée. Et c'est évidemment le moment où Hitler choisit de réinvestir tous les bénéfices que fait l'économie allemande dans l'armement. Et donc, il va garder un espèce de régime d'austérité. Et là, par contre, ça va être un point important d'impopularité du régime, principalement dans la classe ouvrière, c'est le fait qu'en réalité, malgré ce redémarrage de l'économie, les salaires, par exemple, les salaires ne retrouvent leur niveau d'avant la crise, c'est-à-dire de 1928, qu'en 1938, c'est-à-dire après 5 ans de régime nazi. Et donc les gens trouvent ça inacceptable, quoi. C'est-à-dire, ils voudraient bien la Volkswagen, mais ils la voudraient pour aller faire du tourisme, etc. Mais ça, c'est pas les projets de Hitler. Alors, je vais juste dire 3 trucs. D'abord, à propos des bombardements, là, je voulais signaler Howard Zinn, qui a écrit l'histoire populaire des États-Unis. Bon, et qui est décédé, mais l'année dernière, est sorti un livre qui s'appelle justement « La bombe de l'inutilité des bombardements aériens ». Donc il montre bien que c'est pour terroriser les populations et que ça n'a aucun intérêt militaire propre. En plus, il y avait des bombes au phosphore. Hein. Voilà. Les gens qui plongeaient dans l'eau, ils seront brûlés quand même. Hein. Voilà. Deuxième point, en regardant vite l'index des noms, tu cites pas Wilhelm Reich, pourtant qui a écrit Psychologie de masse du fascisme. Alors ça n'a peut-être rien à voir, parce que les souvenirs que j'ai, c'est quand même montrer que la population, elle va en gros du côté du plus fort, ceux qui sont au pouvoir. Alors, quand ça peut être la CNT en Espagne, c'est bien, quand c'est le fascisme, c'est ce que j'ai cru comprendre de Reich, tu me diras si je dis des conneries là-dessus. Ouais, j'ai un index de 1100 et quelques noms, alors je sais. Et puis tu as abordé dans ta présentation, tu nous dirais quelques mots si le peuple allemand avait connaissance des camps ou non pendant la guerre, avant la fin de la guerre. Ouais. Finir là-dessus parce qu'il faut que je termine à 19h. Alors c'est sur cette question qui est extrêmement compliquée. Alors la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc il y avait évidemment tout le monde savait que les Juifs allemands avaient été déportés en Pologne. Ça c'est certain. Tout le monde savait qu'il y avait des massacres, des fusillades de Juifs en URSS, en Pologne, etc. Mais pour les gens, c'était la guerre, c'est une conséquence de la guerre, c'était des atrocités parmi d'autres, d'accord ? Et après, pour savoir qu'il y avait véritablement un génocide programmé, fallait soit faire partie des unités d'extermination systématique, et ça, c'était pas des nombres de personnes très importants, soit il fallait avoir la preuve de l'existence des camps de la mort. Et les camps de la mort, donc c'est pas la même chose que les camps de concentration, étaient situés hors d'Allemagne, et les nazis ont mis une énergie et une ingéniosité extrême à cacher l'existence de ces camps de la mort et à les faire disparaître chaque fois qu'ils en fermaient un, par exemple. Alors, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il y avait effectivement un certain nombre de gens qui avaient connaissance du génocide, c'est indubitable, c'est les gens qui étaient eux-mêmes les bourreaux, c'est les gens qui ordonnaient le génocide, c'est les gens qui l'administraient, et par exemple les fonctionnaires de la Reichsbank qui recyclaient les dents en or des Juifs, ils ne pouvaient évidemment pas ignorer que c'était des gens qui avaient été exterminés. Ça fait un nombre de personnes alors qu'on peut évaluer à, alors on peut discuter 200 000, 300 000 entre les estimations de Goldhagen ou d'autres historiens, mais ça tourne à peu près autour de ce nombre là et après la question est de savoir est-ce que un secret il peut se garder à 200 ou 300 000 personnes. Et là je crois que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est dans une période où se surajoute la dictature et la guerre. C'est-à-dire qu'il y a quantité de rumeurs qui circulent sur les camps d'extermination, etc., etc. Mais les gens n'ont pas de preuves, ils n'y croient pas. Dans le fond, ils n'y croient pas. Oui, mais on pensait qu'ils étaient en Pologne. Et qu'est-ce qu'ils étaient devenus en Pologne? On ne savait pas trop. Alors, Je dois dire, si je consacre 3 chapitres, c'est que la réponse n'est pas simple. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Donc je cite beaucoup de gens avec des opinions dans un sens et des opinions dans l'autre. Il y a des très grands historiens comme Hannah Arendt, par exemple, qui est persuadé que tout le monde était au courant. Pourquoi je suis arrivé à la conclusion que, au bout du compte, hein, que l'essentiel de la population qui était à l'arrière ne connaissait pas l'existence des camps? Je suis arrivé à cette conclusion de la façon suivante. J'ai suivi, au fil de leur carnet intime, un certain nombre de gens qui étaient soit des résistants, soit des membres de réseaux d'aide aux juifs, soit qui étaient des juifs eux-mêmes et qui vivaient en Allemagne et dont la famille avait été déportée ou les amis avaient été déportés, etc. Et des gens qui cherchaient à savoir la vérité. Donc c'est des personnes, alors j'en suis 5 exactement, hein, ce sont des personnes qui ont la motivation et les moyens, de par leur réseau, leur implication, etc., de connaître la vérité. Et sur ces cinq personnes qui cherchent à savoir la vérité, elles vont l'apprendre en réalité dans les tout derniers mois de la guerre. Alors je dis, si ces gens-là, qui cherchaient à savoir, qui avaient les moyens de savoir, n'ont pas réussi à apprendre la vérité avant les toutes dernières semaines, quand il y a eu la découverte des camps par les armées qui avançaient, comment les autres auraient pu savoir ? Un exemple particulièrement spectaculaire que je cite, c'est celui d'une femme juive, c'était une juive autrichienne, qui vivait en Allemagne sous un faux nom. Et puis, elle rencontre un jeune cadre du parti nazi, il tombe amoureux et il se marie. Alors, avant de se marier, elle lui avoue qu'elle est juive. Et il dit, tant pis, on se marie, etc. Le gars, ce faisant, il met sa vie en danger, entre parenthèses. Ça veut dire qu'en fait, c'est un nazi qui n'en est pas véritablement un. C'est quelqu'un qui a adhéré au parti, comme énormément de gens, pour garder son boulot, etc., etc. Donc, cette jeune femme juive qui vit avec ce cadre nazi, sa famille, sa mère, ses sœurs ont été déportées en Pologne. Et évidemment, elle se demande tout le temps qu'est-ce qu'ils ont pu devenir, etc. Elle écoute la BBC, elle écoute la radio soviétique pour essayer d'avoir des nouvelles de qu'est-ce que deviennent les juifs en Pologne. Elle reçoit les journaux nazis qui sont adressés à son mari, à son domicile, et elle les lit. Et parfois, dans les journaux nazis, il y a des informations qui transpirent, qui véritablement, si on les lit, on peut avoir l'évidence qu'il y a un génocide qui se passe. Elle les lit. Et bien pourtant, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Et elle va finalement réaliser la vérité quelques jours, je ne sais plus si c'est avant ou après la fin de la guerre, quand il y a Thomas Mann, qui depuis l'étranger, Thomas Mann, elle l'a rencontré dans sa jeunesse, elle lui voue une admiration sans borne, elle a une confiance absolue dans Thomas Mann. Et quand Thomas Mann va parler aux Allemands pour leur dire la vérité sur les camps, c'est là qu'elle va réaliser qu'il y avait bien extermination et que sa famille a probablement été exterminée. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si une personne comme ça, là où elle était, n'est pas parvenue à la vérité, comment les autres l'auraient pu ? Les autres qui... alors, encore une fois, c'est des explications, ça ne justifie rien, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que en 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les juifs allemands représentent 0,75% de la population allemande. C'est donc une toute petite population qui, de surcroît, est principalement concentrée à Berlin, dans quelques villes et quelques régions, etc. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas de juifs personnellement. Pour qui donc la lutte contre la juiverie, etc., c'est un truc un peu abstrait. Et donc je cite notamment des exemples. Sur cette petite population, il y en a une grande partie qui va émigrer avant la guerre, et les autres vont être cantonnés dans des ghettos, dans des quartiers isolés de quelques villes, etc. Et ce qu'il faut dire, même si c'est épouvantable à dire, c'est que à partir du moment où il y a la guerre, les Allemands ont tout à fait d'autres préoccupations que le sort de la population juive allemande. Donc c'est la préoccupation des parents qui sont partis à l'armée, des bombardements, etc. etc. Et on le voit bien dans les témoignages, mais y compris dans des témoignages de militants anti-nazis, de résistants clandestins, que jamais, jamais, jamais, ils ne parlent des juifs. Est-ce qu'il n'y a pas une donne du genre, c'est tellement énorme que... Si, si, tout à fait. C'est l'explication qu'ont donné la plupart des historiens de dire quelque chose qui est inimaginable, pour lequel on n'a aucune référence, qui s'est jamais produit, on ne peut pas l'imaginer, etc. Mais tout de même, la question est énormément controversée, puisqu'il y a un historien qui s'appelle Goldhagen, je ne sais pas si ça doit vous dire quelque chose, qui a écrit « Les bourreaux volontaires de Hitler », qui a eu un succès absolument phénoménal, et notamment en Allemagne, et qui a soutenu la thèse inverse, à savoir que tous les Allemands étaient non seulement au courant, mais étaient complices de l'extermination. Peut-être une histoire personnelle. J'ai demandé à ma mère cette question. Et elle m'a raconté aux premières années de pouvoir national socialiste. On vivait dans un petit village en Bavière. Elle m'a raconté le cas de mon grand-père. Grand-père était social-démocrate. Les autres sont été, à l'époque où je l'ai interrogé, chrétien social normal, mais à l'époque plus à droite que mon grand-père. Mon grand-père se moquait en pleine rue dans le village contre Hitler. Et les gens, lui, ont dit « Ferme ta gueule, il t'envoie à Dachau ». Et ça, c'était le pire. Ah ouais, donc, « Ferme ta gueule, il t'envoie à Dachau ». Comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a, à mon avis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire, ce qui est raconté à ma mère. C'était pas une conscience précise de ce qui se passait au camp de concentration, au Dachau. Mais il y a une sous-conscience. C'est le pire. Le pire qu'on peut s'imaginer et qu'on savait que ça existe. Oui, alors attention, mais Dachau, c'est un camp de concentration, c'est pas un camp d'extermination. Et les camps de concentration, les nazis cherchaient pas du tout à les cacher. Au contraire. C'est-à-dire qu'ils relâchaient périodiquement des opposants avec interdiction de raconter ce qu'ils avaient vu, mais pour qu'ils diffusent la terreur du camp de concentration. Alors que les camps d'extermination, c'était... C'est l'indifférence là-dessus. Ça, c'est le problème. Parce qu'il y avait une sorte d'indifférence. On savait que ça existe, mais on ne voulait pas savoir exactement. Mais on savait quand même que c'est le pire. Et l'indifférence, ça a eu une conséquence de soutien. Même quand on a, à cette époque-là, des trucs que, par exemple, ils se sont résistés contre l'action T4, qui voulait tuer par gaz tous les handicapés. Là, il y avait une résistance. Mais dès que les nazis ont pris, par exemple, les juifs et ont construit de plus en plus de camps de concentration et d'extermination, en Pologne ou à l'Europe de l'Est, c'était en redevue. C'était un peu... Et là, l'indifférence va là-dessus. Là, ça, je pense que c'est un mécanisme qui a vraiment joué. Ok, alors ce que je dirais, alors si c'est pour faire la transition aussi avec aujourd'hui, mais je veux dire, et aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'il y a des indifférences absolument phénoménales par rapport à des choses qui se passent sous notre nez, dans notre écran de télévision, etc. etc. Et dans l'Algérie, les canaux regroupements en Algérie, ça existait aussi. Et je cite des exemples de gens qui se retrouvent pris dans des opérations de type pogrom, etc., notamment au moment de la nuit de cristal, et des gens qui sont des résistants, etc., mais qui sont paralysés, je veux dire, parce qu'il va falloir affronter des types avec des barres de fer, etc., etc., et qui n'ont pas le courage, et puis après qui se le reprochent et tout, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Oui, pour avoir du courage, il faut être légèrement inconscient. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de marcher avec un Roger à côté de vous. C'est très désagréable. Ah, c'est... une dernière intervention pour conclure. Là. Non, juste parce que c'est... Ces histoires d'indifférence, machin, ça me faisait penser à l'Argentine aussi. Oui, oui, oui, tout à fait. Les Allemands, c'est un phénomène humain, psychologique humain, j'en sais rien, mais... Alors après, je cite aussi l'exemple. Alors, je cite un exemple d'une femme, c'était une catholique, qui, au moment de la nuit de cristal, donc elle habite à Bonn, et les nazis ont dévasté les magasins juifs. Et avec ses enfants, elle va voir les commerçants juifs pour les aider à nettoyer, etc., etc. Et elle est repérée par un policier. Et le lendemain, donc, son nom est dénoncé avec celui de sa famille dans le journal nazi, etc. À partir de ce jour-là, la vie de cette femme, ça devient un véritable enfer. C'est-à-dire que les militants nazis cherchent à la pousser au suicide, à lui piquer ses enfants et à la détruire. Et les gens autour d'elle sont compatissants. Elle reçoit des lettres anonymes de soutien de gens qui lui disent j'ai pas le courage de mettre mon nom, mais je vous soutiens, vous êtes courageuse, etc. Les commerçants la ravitaillent en cachette, mais en attendant, voilà, elle est toute seule et elle s'en tire d'extrême justesse. Elle réussit à s'enfuir d'Allemagne, mais elle aurait pu tout à fait y laisser sa vie. Donc, voilà, c'est pour brancher sur ce que vous dites, je veux dire. C'est un peu mon interrogation, quoi. C'est maintenant au moment où il faut agir, où on est face à la violence et tout, est-ce qu'on va y aller, quoi? Et c'est pas si simple que ça. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y avait pas le pouvoir de la radio et de la télévision à l'époque, comme il existe maintenant. Il y avait la radio, au contraire. Beaucoup. Je vais vous dire, même si vous voulez écouter la BBC, il faut pas vous prendre les émissions parler en français, si vous n'êtes pas obligé de parler anglais, vous êtes en résistance. Et deuxièmement, vous avez des types qui, à 50 km d'un endroit où il y avait un camp, il y aurait, on a l'exemple avec les Espagnols, dans les Pyrénées, quand il y a eu des camps dans les Pyrénées, il y a des gens qui habitaient à 50 km qui ne savaient pas qu'il y avait un camp où il y avait des réfugiés espagnols. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, la communication, maintenant, on parle de communication parce que la communication est facile. On a oublié à l'époque de la machine, de l'Internet, de la télévision, si vous voulez. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et les Allemands qui savaient ce qu'ils savaient sur la barrière, ils ne risquaient pas de savoir ce qui se passait en Prusse-Orientale. Alors, avec quand même une nuance, c'est qu'il y avait énormément d'émissions en langue allemande, que ce soit de Radio Moscou ou que ce soit de la BBC. Les gens, ils écoutaient ces émissions en langue allemande. Mais ils ne croyaient pas. Ils pensaient que c'était de la propagande, parce que quand on est en guerre, tout est propagande. Voilà, bon, François Roux va partir, donc on va arrêter là parce qu'on aurait pu encore beaucoup discuter parce que vu la taille du livre et vu le nombre de sujets, voilà. Quand vous l'aurez lu, on discute. Donc en conclusion, le livre est on a quelques exemplaires en vente et on se retrouve autour d'un verre dans la pièce d'à côté. Et encore merci d'être venu inaugurer le local. Tout le plaisir a été pour moi. Une petite mention d'un bouquin que j'ai lu autrefois, mais que tu n'as pas vu certainement lire, mais que malheureusement on n'a pas là, il faut en avoir pour toi. Ah oui, ça s'appelle Soumission à l'autorité. Ah oui, 2000 grammes, j'en parle beaucoup de ce bouquin. Oui, oui. C'est pas un bouquin à un arbre, c'est un bouquin intéressant. Et...